Puis en plus, on dit aux enfants, exprimez-vous. Ben oui, mais arrêtez de parler, parents. Arrêtez de parler, laissez aller les enfants. Sinon, ça va bien. Et vous, à la maison, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi-le. Dites-le-moi-le. Bon, là, vous allez... Vous dites, ben oui, mais comment je peux m'exprimer? Hein? C'est unidirectionnel, cette affaire-là. Là. C'est pas bidirectionnel, celle-là. Toi, tu peux parler. Moi aussi, là. Mais tu m'entendras pas. Puis toi, tu m'entends. Hein? C'est ça qui est bizarre. Pourquoi moi, je peux pas t'entendre, public? On va se dire ensemble bonjour, OK? À go, on se dit bonjour. OK, un beau bonjour. Pas bonjour. C'est bonjour. OK, bonjour. Oui, je sais que c'est le soir. On devrait dire bonsoir. Bonsoir, OK? Pas bonjour. Ah, ouais, non, c'est bonsoir. À go. 1, 2, 3, go. Bonsoir. Bon, ça va bien. On dirait qu'on vient de communier, là, hein? On vient de communiquer. Mon père disait ça, lui, hein? Non, lui, c'est dialoguer. On va dialoguer. Mais à chaque fois qu'il parlait de dialogue, là, il y avait 3-4 verres dans le nez, là. Hein? On va dialoguer. Ça te goûte, hein? T'as-tu le goût de dialoguer avec quelqu'un qui... Non, non, tu t'en vas dans ta chambre. Eh, bon, doux Seigneur. C'est une chambre que j'aimais, moi. Ah, je faisais des fusées miniatures. À l'époque où il n'y avait pas d'ordi, là, où c'était le début du Commodore, on peut le nommer, la marque ne fonctionne plus, je crois que ça a fermé. Ouais. Ils ont vendu ça à la belle-mère de Jean-Claude. Puis genre, hey, la belle-mère de Jean-Claude, elle ne sait même pas quoi faire quand tu lui donnes une paire de gants. Elle dit, oh, c'est gentil. Là, elle regarde, hein, elle retourne son cadeau de mille et une façons. Oh, c'est gentil. Là, mais là, tu te sens obligé de dire, ben, écoutez, je vous ai acheté des gants. Hein? Vous dites, vous avez toujours mal au froid aux mains, mains au froid dans le main, froid dans le dos. Vous achetez des gants. Vous allez encore avoir froid dans le dos, mais plus aux mains. Vous trouvez pas ça drôle, vous, là? Ah, mon dos, vous avez le sens de l'humour. Non, vous avez le sens des affaires et vous en manquez le sens du mot. C'est quoi, non? Vous avez perdu le sens de l'humour depuis que vous avez le sens des affaires. Vous avez jamais été bonne en affaires, vous. Vous vous achetez quelque chose, vous voulez le revendre, là. Vous allez même pas le vendre, vous allez les payer pour qu'ils l'achètent. Mais c'est pas ça. Tu dois demander quelques bidous, quelques dollars, quelques piastres. Quelques cents. Comment t'appelles ça aussi? Pige, cents, argent. Bon, quelques bâtons. Alors, elle te donne 3 bâtons, là. Un sur la gueule et les 2 sur les 2 joues. Paum! Non, mais elle l'a pas. Elle l'a jamais eu. Ben, elle croyait au dit, hein? C'est dans les prémices. Ou dans les genèses. Non, la genèse. On a lu le prémice. C'est dans la genèse, son problème. Elle a été mal généralisée. Ah, mais c'est pas parce que tu vis au monde que t'arrives généralisée. Si tu l'as pas en naissant, tu peux le développer en vieillissant et te l'auto-programmer. Ou tu peux aussi rester comme tout le monde, c'est-à-dire imbécile et heureux, avec le sourire constant, le sourire comme ça, là. Tu prends l'autobus, t'as le sourire. Oui, c'est l'autobus qui te prend, tu gardes le sourire. Tu parles à des gens, tu souris. Puis quand t'es petit, là, on te fait « Ah, t'as bien un beau sourire! » Souris tout le temps. J'ai honte de me voir 91 ans avec ma seule dent, avec le sourire toujours, mais la dent qui tient. Tu sais, la dent, mais pas la dent creuse, là. Tous les autres sont creuses, puisqu'elles sont existantes, mais il t'en reste une, là, hein? Celle qui tient, c'est l'épée. C'est l'épée de mon émission Aladdin. Aladdin, non, c'est pas Aladdin. Non, c'est de Merlot. Merlot. Non, c'est pas du Merlot Levin. C'est Merlin l'Enchanteur. Avez-vous vu ça, Merlin l'Enchanteur? J'en ai déjà parlé, moi, de Merlin l'Enchanteur. C'est une des belles fesses. Ah, j'ai des belles fesses. Ah, devant comme derrière. Et elle a tellement des belles fesses là, que tu as le goût constamment de lui taper les foufounes. Non pas parce que tu es un vicieux, un viceleur, un cochon. Tu penses juste à ça. Mais c'est beau. C'est beau. Ça donne le goût de toucher. C'est comme une œuvre. Une œuvre d'art. Vous savez, si vous allez voir là, la petite photo, la petite peinture, c'est pas une photo, excusez-moi, madame, j'ai encore perdu. Mona Lisa. Mais c'est tout petit, hein? Puis attendez-vous pas de voir la peinture gigantesque 6 pieds par 5 pieds, là. C'est tout petit, puis pour pas... Je vais prendre un 9. Ah, j'espère qu'il va être en or. Attendez-vous pas là, de voir quelque chose de gigantesque. Et surtout, ils ont mis quelque chose en avant pour pas que vous touchiez. Ça, c'est parce qu'il y a des imbéciles qui touchaient, là. C'est un vrai sourire, mon ami Jean. Tu fais en peinture ou en crayon? Tu dis crayon feuille? Prismacolor? C'est quelle couleur, cette couleur-là? Ah, mon, c'est des belles lèvres, hein? Ah, mon Dieu, est-ce que c'est du rouge à lèvres? J'y vais en chier. J'y vais en Chine. J'y vais en Chine. C'est en Chine. Ça vient de la Chine. Ah, que c'est beau. C'est un seul homme qui a fait ça, hein? Ah, mon Dieu. Mona Lisa. Puis on dit que c'est. Il y a plein de ragots qui gravitent autour de Mona Lisa. Il y a la belle chanson de Cancun Cool. Cancun Cool, mouche-toi. Bon. On t'a toujours appris quand ça coule, mouche. Mouche, ton nez va. Sinon, ça va placoter. Si ton nez placote, là, maman va te donner 2-3 petites tapes aux fesses avec un suppositoire. Bon. Cancun Cool. Le chanteur de Cancun Cool. C'est la chanson. Mona Lisa, everywhere. Always on Mona Lisa. Mona Lisa, everywhere. Je ne me sais Mona Lisa. On dirait le vrai Nat King Cole. Lui, il doit avoir tout le temps eu la grippe et se faire appeler Nat King Cole, là. Quand ça coule, reste dans le bain. Comme ça, ça fera pas des effervescences, là. Ça dégoulinera pas ailleurs que dans le bain. Mais c'est pas une bonne idée. Mais Nat King Cole, Mona Lisa, c'était une chanson qui représentait. Mais il y a des ragots sur Mona Lisa. La plus loufoque en Alaska, c'est quand tu regardes les lèvres de Mona Lisa en tournant la peinture. On dit que c'est la courbe d'un corps féminin. Hey, vraiment, là. Imagine le gars qui travaille pas. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien à glander. Puis là, il s'est tourné la tête de côté. Il y avait une superbe affiche de Mona Lisa. Puis il s'est comme tourné la tête sur le côté, comme je le dis. Puis il a vu des courbes. Il a dit c'est des courbes de femmes, ça! Là, il a lancé ça dans... Je sais pas sur quoi, là. Admettons, c'est un journaliste, puis qui était pas connu, ou qui avait rien à... Il n'y avait pas de sujet. Puis là, à un moment donné, il s'est étiré. Il s'est placé le cou, là, de côté, là. Puis il l'a vu, là, non pas à l'horizontale, mais à la verticale. Puis il dit... On dirait que c'est le corps d'une femme. Là, il a pris son crayon, puis il a rédigé un texte loufoque en Alaska. Qui décrit ce que je viens de vous dire en si peu de mots. Mais il y en a qui ont de l'imagination, qui servent à quelque chose. Et pour certains, ben, ça donne ce que ça donne. Sunshine. Elle peut pas aller plus loin. Ouais, vous, comment ça va de votre côté? Mais, ben écoute, étiez-vous là le 25? La nuit du 24 au 25, j'ai fait un spécial comme maintenant, mais beaucoup moins long. C'est-à-dire de 22h30. Comme disait une dame. Moi, j'aime ça, l'érotisme. Comment ça se termine, on ne sait pas. Mais, qu'est-ce qu'il voulait vous dire? Oui, c'est ça. Ben, j'étais là, moi, du 24 au 25. Ici, c'est KRL. Personne n'en parle pas. Je suis bien heureux. Et sinon, puis lors de ce grand spécial, je me suis amusé à utiliser une expression et à tournoyer autour, un peu comme un joueur de hockey, là, mais qui ne veut pas la rentrer dans le but de son adversaire. Pourquoi? Ben, c'est un bon gars. Tu sais, il veut pas, là. Il sait que l'équipe, là, va pas très bien, l'équipe adverse. Puis j'ai dit, je peux pas leur faire ça. Le gardien de but, là, sa petite dernière, elle perce des dents. Il dort pas, ce pauvre homme. Il est là derrière le but, là. Puis on voit, il cogne des clous. Une expression, cogner des clous. Il cogne des clous. Cogne des clous, pas de marteau, lui. Pauvre, hey! Non, mais j'ai pitié de lui. Alors, je vais pas lancer dans son but. Je vais surprendre, moi, mes coéquipiers. Je vais faire le contraire. Je vais revenir dans mon territoire puis m'a agacé mon gardien de but préféré. Ah, il me voit arriver, il trouve pas ça drôle. Là. Il se demande qu'est-ce que je fais. Ah ben, regarde-moi ça. Une petite surprise, un petit cadeau de même. J'aime ça. Hein? Et oh, oui, et oh. J'ai rentré le but dans mon propre... avec ma propre équipe. Oh, je suis merveilleux. On est en troisième période. Ah, c'est maintenant 1-0. Ah, on va perdre. Je peux pas me faire gagner une équipe qui... Je veux dire, faire perdre une équipe qui ne mérite pas. Nous, on le mérite. Oh oui, on était là, à la réunion, puis on se vantait, on dit « Oh, regarde nos joueurs, ils sont beaucoup plus intéressants que l'équipe adverse. Pas de blessés, nous. Eux autres, ils ont juste ça. Comme je disais, la petite dernière, là, au gardien de but, qui perd ses dents, dort pas de la nuit, comme moi, les yeux rouges, j'y pleure tout le temps. » Puis il cogne des clous. Il cogne des clous. Ouais, comment tu peux faire pour cogner des clous? On va laisser le hockey de côté. Pour cogner des clous sans avoir de marteau puis de clous, c'est une métaphore. Donc, il faut comprendre que, tu sais, ta tête tombe puis tu la relèves rapidement parce que tu veux pas montrer que tu t'es plus capable, là, que tu vas t'endormir. Faites-vous en pas à 5h du matin, ça se passera pas ici, là. Je cognerai pas des clous. Pourquoi? Parce que toutes les miennes sont rouillées. J'espère, j'ai mis ça dans le frigo. C'était déjà humide, hein? J'ai reçu ça, moi, sur les internets. quand tu reçois des affaires sur les internets, hein, exemple, si ça part du Pérou, tu vas dire, ouais, c'est pas le Pérou, hein. Tu reçois tes clés, tes clous, tu dis, ouais, c'est pas le Pérou, c'est tout rouillé. Ben oui, mais tu sais pas, la météo de là-bas, ça va franchir, là, ça va aller en avion, en bateau, en carrosse, en scooter électrique, et ça va faire des. Ça prend 2 mois et demi avant d'avoir mes clous. Ça as-tu vécu avant de sonner à ma porte, puis ding-dong, monsieur un colis, merci beaucoup, tu rentres ça chez toi, t'ouvres ça. Il y en a qui en ont cogné des clous avec ça, là. Ils sont pas brisés. Non, c'est écrit 9. Donc, c'est pas usagé, c'est 9. Mais là, c'est sûr que quand l'humidité prend dedans, moi, c'est comme mes ossements. Oui, monsieur Thibodeau, j'ai des ossements avec l'ange, là, qui se s'auto-stimulent sans que je le veuille. Je veux pas que ça stimule, ces os-là. Mais c'est pas moi qui décide, il paraît. Mon docteur m'a dit, monsieur Gagné, parce que c'est mon nom. C'est pas mal quand ton médecin t'appelle par ton nom, puis il se souvient de ton nom. Ouais, mais c'est pas compliqué, lui-là, là, qu'est-ce qui arrive, là? Ben non, il y a ton dossier. Pis normalement, ton dossier, c'est écrit Rénal Gagné, c'est-à-dire moi. Pas écrit à M. Thibodeau, là, parce que c'est pas lui, c'est moi. Il dit, M. Gagné, m'en va vous raconter l'histoire, vous, là, de votre propre corps. Vous le connaissez pas, votre corps? Ben voyons donc. C'est moi qui est prêt avec depuis 51 ans. Non. Écoute, moi, j'ai fait des... Je vais tutoyer parce qu'on va pas passer par des carambolages. Passer par des carambolages. Ah oui. On va aller en ligne droite, en ligne médiane, avec l'équateur. L'équateur. L'équateur, ça, c'est pas dans mon champ d'étude, l'équateur. Et puis, je sais que ça se dit pas équateur, mais... Fais-moi confiance, OK? Fais-moi confiance, on continue. Fait que moi qui ai fait des grandes études, hein, puis j'ai lu en latin là-dessus, là, en anglais, mais hein, je les ai toutes lues, un après l'autre. Même, hey, j'étais tellement bon vers la fin, c'est pas pour me vanter, là, pour me donner une difficulté, un peu comme au golf, là. Je lisais mes livres à l'envers. Ça, c'est quelque chose, là. Lire ton livre à l'envers. Puis là, c'est pas des termes, là, le verbe « être » et « avoir ». Il n'y a pas de verbe « avoir » là-dedans. C'est pas de la poésie. C'est pas des structures narratives éclatées. C'est de la technicité. Comment? C'est quoi? C'est la technicité. Ah, OK, c'est plus facile, ça. Ouais, je sais pas pourquoi je suis parti avec ça, la technicité. Mais il y a beaucoup de techniques là-dedans. Il y a des termes qui reviennent. Hein? Vous savez, c'est pas de l'arabe, c'est du... la racine du français. L'argentin, comme ça, l'argentin de Carcassonne. Ça, c'est Brel qui chante, hein? Il disait l'argentin de Carcassonne. Ouais. Oui, bien, c'est ça. Moi, mon cœur, moi, votre corps, je le connais. Je l'ai touché, je l'ai palpé pour vérifier des affaires. Mais au-delà de tout ça, avec les années, Monsieur Gagné, je tiens à vous dire que vos ossements se modifient. Vos ossements ne seront plus du tout comme avant. Tu sais, quand il y a des belles phrases là, qui reviennent comme ça, là, comme un automatisme. Il y en a celle-là, là. On n'a plus 20 ans. Et sinon qu'on n'a plus 20 ans. Oh, j'avais 20 ans pour les yeux d'une femme. 20 ans d'amour faisait battre mon cœur. Là, je suis même plus certain à 51 ans d'avoir un cœur, monsieur le docteur. On dirait là que je l'ai sorti un peu de, tu sais, le malade, là, Hannibal, le cannibale, Baxter, lecteur. Lisez après moi, aftermine. Mais lui, c'est incapable, lui-là. Il pouvait rentrer sa main dans ta poitrine, extirper le cœur, le regarder, puis le reposer parce qu'il disait, oh, c'est pas, il m'intéresse pas. Il pouvait analyser comme ça, lui. C'était peut-être un médecin de nouvelle génération. Puis là, vous vous demandez, est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça qui fonctionnent avec cette méthode? Ils m'ont dit de pas parler. Ils m'ont dit, Rénal, si tu veux garder tes os authentiques, et surtout dans le même sens, là, si tu veux pas que ça ressemble à un casse-tête, je te conseille fortement, comme en voiture, de la boucler. Et si tu la boucles, tu vivras peut-être jusqu'à 52 ans. Peut-être, si je veux. Je veux et j'exige et je veux, c'est moi ça. C'est moi qui décide toute sa planète. Je suis même plus fort que tous les dieux. Je suis un médecin, voyons donc. Joue avec ça, la vie, moi. Maîtrise ça, la vie. change les... Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer en direct. Les pistes maigres. Puis quand la pile est finie, c'est jamais fini. Parce que t'as une recharge que tu places sur ton cœur. Où tu regardes une belle demoiselle, puis ça revampe. Tu sais, ça se remet en fonction. Ou une fille intelligente. On dirait que ça motive le cœur. Tu dis, ah, oh, il y en a encore sur la planète du monde demain. Tant mieux. Oh. Voici ce court texte. Le surréalisme est la surprise magique de trouver un lion dans un placard, là où on était sûr de trouver des chemises. Montez ta chemise, toi et moi, montez ta chemise, toi et moi. Alors, une autre expression qui nous fera partir dans des flots narratifs. Une expression que je trouve tout à fait particulière et intéressante. Surtout aujourd'hui, une tempête dans un verre d'eau, faut quand même avoir de l'imagination au maximum. Lorsqu'on se retrouve au bar ou chez soi, devant un verre, et on s'imagine ou on invente, peut-être inventer serait plus, imaginer, inventer, on n'est pas loin. On est à 3 cm. 3 centimètres, parce que c'est un petit peu plus loin. C'est 3 centimètres, ça, de la réalité. Hey, tu regardes ton verre. Hein? Au début, tu commences à y parler. Là. Grosse journée. Grosse journée, grosse journée, grosse journée. Sans doute, grosse semaine. Ah, ça sent la grosse semaine. Ça sent l'incapacité de surmonter ces 5 jours compliqués et tellement, tellement demandants de ma part. Écoute-moi, mon verre. Je vais t'expliquer un peu là, ma problématique. Ma problématique, sans doute, c'est que j'ai décidé, moi, de faire partie du rouage économique. J'ai décidé. Je me suis dit, tiens, on perd sa vie à la gagner, allons-y donc. Là, c'est bien beau, mon verre, là, mais même si je te frotte, vas-tu faire plus de bulles? Si tu fais plus de bulles, est-ce que ça annoncera la tempête? Wow! Ça part peut-être de là! Le gars a commencé, hein, à discourir de n'importe quoi. Vraiment pas grand-chose, là. Un peu comme dans un bar. Première discussion, ça commence par l'astrologie. Quel est ton signe? Ça commence mal, là. Pour plusieurs, dont moi. Quelqu'un me demande mon signe, là. Je suis néant, ascendant, coupe-vent. Coup de vent, pas coupe-vent, coup de vent. Coup de vent, coup de vent. Je m'en vais. Tu t'en vas, mais moi, l'astrologie, voyons donc. Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, non, écoute, je vais pas faire une tempête dans un verre d'eau. Parce que là, déjà là, dans mon verre, ça commence à bouillonner. C'est comme de la vodka aussi, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans. J'ai demandé un verre d'eau pas de glace. Je pense que c'est le pas de glace qu'ils n'ont pas digéré. Ils savent que je veux pas payer pour ça, moi, parce que c'est cher de la glace. Imagine-toi donc l'énergie que ça prend à rentrer ça dans un congélateur, demander au congélateur, glace-moi ça, al dente, tu sais, comme la pâte, là, croustillant. Plus croustillant, il faut que ce soit cassant. Cassant, pour ne pas dire menaçant. Non, mais on est pas loin de la catastrophe, là. On n'est pas loin de l'explosion, de la mini, du microcosme de la guerre dans un verre. Là, ben, c'est sûr, là, il y a des gens qui vont dire comme, hey, oui, toi, là, ça te prend pas grand-chose pour partir. Hein? Tu fais des tempêtes dans un verre d'eau. Comment ça, des tempêtes? C'est pas. Non, moi, c'est le verre d'eau qui fait des tempêtes. C'est quoi, une tempête dans un verre? C'est le verre d'eau qui décide de ça. Mais c'est pas moi. Quoique, avoir un discours aussi éclairant, je me dis que pour de l'eau, ça doit la faire frétiller, bouillir. Puis là, tu sais, quand ça commence à bouillir, là, ta glace, ça fond rapidement. Puis quand ça fond, ben là, quand on annonce la tempête, c'est pas tout le temps une tempête hivernale, là. Hey, moi, j'ai déjà vu, j'ai vécu, j'ai pas juste vu, j'ai vécu à Port-Cartier. J'habitais à Port-Cartier longtemps, moi. Ben longtemps, c'est relatif, le temps, là. Le temps caresse les vagues bleues, s'amuse dans les welles. Dans les welles, pas dans les voiles. Parce qu'on va plus vite dans des welles que dans des voiles. Le voile, on dirait que ça nous freine. Mais les welles, la welle, oh! On est déjà parti dans welle, hein? Wow! La welle nous emporte à Carpédiale, à Kaki. À Kaki. Le Kaki, c'est bizarre, la couleur Kaki. C'est pas vert, Kaki, là. Kaki, c'est Kaki. Vert, c'est vert. Mais Kaki, c'est une sorte de verre, oui, effectivement. Mais pas le verre dans un verre d'eau. Non, non, c'est pas le même verre, c'est la couleur. C'est pas le réceptacle. C'est important, là. Le réceptacle, c'est quelque chose qui contient, hein, tu peux contenir. Comme ma femme, moi, elle a un réceptacle, elle me contient, ça n'a pas de bon sens. Elle est capable, elle débordera jamais. Mais quand tu sens que, tu sais, c'est la goutte qui fait... Oh oui, tu vas l'avoir, ton autobus. Prends-tu l'autobus, j'espère? Attendez-le, voyons donc. Oh, voilà, il monte dans l'autobus. Oh, quel gentil monsieur. Bravo. Il a pris son autobus comme les autres. Et surtout, j'ai passé un cheveu de l'arrêter, moi, mon autobus. En m'en venant ici, c'est quoi, Ariel? J'ai eu la peur de ma vie, la chienne de ma vie. C'était un Yorkshire croisé caniche qui me lâchait pas. J'ai dit, hey, voyons là, tu me freines dans mon élan. Tu veux créer en moi une tempête dans un verre d'eau? T'es bien parti, continue, moi, de traîner à ces coérelles. Il n'y a pas de panneau qui dit interdit au pitou. J'ai jamais vu ça à ces coérelles. Mais il faudrait que j'aille voir la porte. C'était. Il y a mon visage, ma photo, puis il y a un X dessus. Peut-être que je suis interdit ici dans cette station. Peut-être qu'il faut appeler la police. Alors, la tempête dans un verre d'eau. c'est que, à un moment donné, l'eau, hein, elle doit se sentir tellement malheureuse là-dedans qu'elle commence à bouillonner, tu sais, une petite tempête de rien, puis elle pleure, tu sais, c'est un pleur de verre d'eau. Moi, je connais pas ça, j'ai jamais été un verre d'eau dans ma vie. Ça va peut-être le devenir, là. Ben, écoute, il faut jamais dire jamais. Là, je viens de dire jamais deux fois, là, mais jamais. Comme le chanteur Yves Jamais. Connaissez-vous Yves Jamais, le chanteur? Ah, des belles chansons brelliennes, mais j'y chante pas, c'est pas du brel, là, mais ça t'arrache le cœur, ça, oh, ça te fait saigner l'esprit. Ah, j'ai essayé à plusieurs reprises de le rencontrer, mais comme il reste pas à Paris, j'étais prêt à aller le voir chez lui, mais c'était compliqué, mais compliqué. Moi, quand c'est trop... Ah! Il suffit pour me faire changer d'idée quand je parle à l'artiste directement. Ah, écoutez, M. Gagné, oui, mais il faudra en parler à mon impresario. C'est pas un impresario, mais à mon impresario. Je ne prends pas de rendez-vous sans lui. Ben voyons donc, t'es une petite chanteuse qui commence, là. Je te donne la chance de te faire connaître. Moi, j'aime bien ce que tu fais. Peut-être que le public québécois va adorer. Ouais, mais passe. Allez contacter mon impresario. Croyez-vous que je vais à l'impresario? Ça s'arrête là, parce que selon moi, il y a tellement de personnes, de créateurs, de créatrices qui veulent se faire entendre que lorsque tu crées toi-même la tempête dans ton verre d'eau, ça m'intéresse pas de boire ton élixir. Je suis comme ça, moi. Je suis le même. Son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses lévis. Je lis le vice et je pense à Carole. Son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec son zip à entrebâiller ses lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dis-je, je lis le vice de Babydoll et je pense à Lewis Carroll. Regard absent et son iris absinthe, quand crachent les enceintes de la sono lançant accords de quartes et de quintes, tandis que Marie-Lou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air. Lorsqu'en un songe absurde, Marie-Lou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, mais son iris absinthe, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace,

C'est de la boucane, ça! Pas besoin d'un train! Il y a toujours un train! T'as pas vu ça? C'est une locomotive à lui tout seul! Je suis une locomotive à moi tout seul! Je suis une locomotive et je me fends la gueule! J'aurais été curieux de sentir ce qui a sorti de ce gars-là! S'il vous plaît, dans moi, hey, ça, c'est de la soupe au poids, madame, mais vers le haut! C'est rendu mon idole, il est sur la... Si vous pouvez le coincer au coin de la 3 puis de la 3, là, montrez, hein, il va vous faire son spectacle de tireur de boucan. J'ai ouvert la clé d'escampette et j'ai crié, escampette! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quoi? Ah non, mais ça, je veux juste... Voyons donc, oui, arrête d'accrocher le micro. Le micro est notre ami, puisque c'est grâce à lui si nous pouvons nous parler, ami. C'est KRL. J'ai dit deux fois ami, là, c'est la troisième fois. C'est pas mal, ça. Non, mais je me promenais dans la station tout à l'heure en regardant la machine à boisson gazeuse en me disant « Ah, ils ont enlevé ma sorte préférée. Oui, c'est le jus d'orange 100% orange. » Ma fille, à un moment, une nuit très, très, très troublée à cause de ça. Parce que, en fait, je me suis rendu compte la nuit du 24 au 25. Quand je suis arrivé, puis j'étais content parce que j'allais me retrouver avec vous, mais aussi j'allais boire ma canette de jus d'orange. T'sais. J'avais le goût, là. Puis là, je regarde, là, hein, changer de machine. Hein, pas moi, là, non, il a l'enlevé. Puis là, si tu demandes au monsieur qui travaille, au monsieur, là, au monsieur qui a amené qui a choisi, il va dire, ah, ben, mon petit champion, là, jus d'orange en canette, là, ça se vend pas, hein. Tu fais partie là, des rares, toi, là. T'es un extraterrestre. Non, monsieur. Vous venez de me vexer, là. Je suis plus extra, moi. Je suis intra. Oh! Alors, t'as déjà été extra? J'ai déjà été extra. J'ai été extra. C'est extra. Une de belles chansons de Léo Ferré que je viens de, comme on dit chez nous, maganer. Qu'est-ce que ça veut dire, magané? Ben, ça veut dire comme le monsieur, là. Il est magané, il magane les mots. Il magane la structure narrative, il magane la langue française. C'est un maganeux. C'est un maganeux! Tous les maganeux, tous les gens qui maganent viennent de Magameux. Où est Magameux? Alors, si vous prenez votre carte du monde, et regardez-la, examinez-la, vous avez la boule. Êtes-vous version boule ou version carte, vous? Les deux, vous êtes aux deux, aux cartes puis aux boules. Bon, ben écoute, on va t'expliquer via la carte, puis après ça, on va se diriger vers la boule. Parce que la boule, c'est le fun, tu peux la tourner, hein, et puis c'est vraiment, là, l'épicentre, puis l'épi, c'est ça. Donc, avec la carte, tu t'étires le bras vers la droite, tu sais, où t'as placé la punaise pour maintenir ta carte. Ben, ça se trouve là. C'est plate comme ça, hein? Puis quand si tu prends la boule, là, tu la descends juste un petit peu, tu mets ton doigt à droite et c'est juste là. Pas drôle, hein? Quand tu localises aussi vite que ça, c'est quoi l'intérêt de vouloir apprendre quand c'est aussi facile? Puis, tu sais, il y a des gens là-dedans, là. Ils se disent une phrase. Ils ont raison, là. Quand c'est trop facile, c'est pas normal. Il y a quelque chose. Il doit y avoir une certaine complexité pour apprendre, là. T'sais, un plus un, ça fait deux. Voyons donc, toi. Pourquoi c'est pas plus, plus créatif? T'sais, un plus un. Puis là, après ça, tu dis, ben ça dépend. Ça fait pas tout le temps deux. Ah, ben là, il y a l'intérêt. Là, tu te montes, tu ta chaise, là, puis tu te tracis, puis tu veux en savoir davantage. Comment ça qu'un plus un, ça fait pas toujours deux? Ça dépend. Ça dépend si c'est de l'eau lourde, de l'eau stagnante, de l'eau d'Amérique, de l'eau européenne. Parce que l'eau est pas la même eau partout. Hein? Ben la preuve, quand tu t'en vas dans des pays chauds, t'as pas pris ta médication, qu'est-ce qui arrive? T'es heureux. OK, si t'apprends pas, t'es aussi heureux. T'es heureux, mais aux toilettes. Passer tes vacances ou à parler avec le cabinet, avec le cabinet. C'est pas toujours politique, cette affaire-là, le cabinet, là. Quoique, tu peux avoir des odeurs de ministre et de premier ministre. Hein? Oh, oh, oh! Là, on vient de dire des affaires qui pourraient déranger. Puis, on va arrêter ça parce que c'est pas ça qui est important. Quand tu fais un spectacle ou quand tu veux présenter une bonne émission radiophonique, tu te dis, ben, hey, avec lui, là, ça peut pas faire autrement que d'exploser. Pourquoi? Pourquoi?

les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositrice et interprète Gervaise Germanique. Une émission en deux volets, donc deux émissions. Compliqué, hein? Une émission en deux volets, c'est deux émissions. Là, c'est la première partie. Vous me croyez pas? Ben, la preuve... Tu as couru? Non, oui! Ben non! J'avais des soucis sur le bus et en plus j'avais pas pris mon portable donc je pouvais. Ah, il n'y a pas de problème, pas de problème. Mais moi je pouvais. C'est grâce à mon numéro que tu pouvais rentrer en communication avec moi. Mais Facebook, je ne l'ai pas. Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, je suis pas trop en retard. Non, pas du tout. Puis moi j'ai pas un téléphone intelligent. Ah oui, d'accord. Donc je reste encore avec. Sinon, ça va? Ça va! Pas trop chaud? Oh, pas sûr! Ouais. Un peu beaucoup trop chaud. Oh! C'est la canicule? Oh là là! Depuis longtemps? Non, ça fait. C'est depuis une semaine là qu'il fait vraiment chaud. Sinon, moi je suis arrivé hier. Ah non, bah c'est depuis une semaine. Okay. Sinon avant, pas du tout. Heureusement. Oui. Heureusement. Est-ce que c'est ton véritable nom? Est-ce que c'est un nom d'artiste, Germain Germanique? Germain Germanique? C'est mon vrai nom et nom de famille et prénom. Ah oui? Ok, ouais. Mais c'est bien, c'est super. C'est pas les mêmes films. Madame! Je vais prendre un jus aussi. Ananas, vous voulez prendre un petit jus pressé? Une limonade, ouais. Ça tombe bien, j'en ai des super. Et j'en ai une à l'orange sanguine ou j'en ai une au fruit de la passion qui est pas mal. Ou une naturelle après, c'est vous qui voyez. Allez, fruit de la passion, soyons. Elle est bonne, vous allez voir. merci. De rien. Sinon, heureux de te rencontrer. Ben oui, heureuse aussi. C'est cool, je savais pas. J'étais très surprise. Et, pourquoi Ben non, mais je savais pas que l'autre, au-delà des mers, on pouvait s'intéresser à ma musique. Donc ça me fait plaisir. Ben avec Internet. Ben oui, bien sûr. C'est merveilleux. Ben ouais, mais c'est cool. Oui. Ça me fait très plaisir. Vraiment. Ben nous, nous sommes rattachés énormément à la chanson francophone. Ouais. Et c'est ce que tu fais. Oui. Tu as une formation en musicologie. Oui, exactement. Donc, tu connais la chanson de par ses racines. Oui, complètement. Je me suis beaucoup intéressée. Puis si tu veux, moi, que ce soit ma mère ou mon père, ils écoutaient beaucoup aussi de chansons à texte. Donc, j'ai un peu baigné dedans. Pierre Perret, Bobby Lapointe, Henri Salvador. Donc j'ai beaucoup aidé. Après Barbara, moi ça, je l'ai découvert un peu plus tard, mais voilà, c'était un peu mes trois piliers. Mais Bobby Lapointe revient souvent lorsqu'on va voir sur Internet à ton sujet. Oui. Pourquoi? Bah, en fait, c'est bête, mais je crois que c'était un des premiers CD que mon grand-oncle, qui était fan de chansons, m'a offert. Donc c'est récent, c'est un CD, c'est pas un vinyle. Ouais, voilà, donc c'est un CD. Mais j'avais 4 ans et c'était mon premier. Et je l'ai écouté en boucle et je connaissais tout par cœur. Ce qui était quand même drôle parce que moi, je comprenais pas les trois quarts de ce que je disais, j'avais 4 ans, hein, parce que quand même Bobby Lapointe, voilà, je ne comprenais rien, mais je connaissais tout par cœur et ça faisait mourir de rire mon grand-oncle. Et donc ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Vraiment, après j'en ai eu d'autres aussi, mais ça a été un des premiers que j'ai écouté beaucoup. Voilà. Donc tu as commencé à décortiquer la langue française grâce à quelqu'un qui était un professionnel dans le genre. Oui, voilà, et j'ai tout de suite. J'aime bien les histoires en fait. J'aime bien quand on me raconte une petite histoire. Henri Salvador, c'était pareil. Enfin, voilà, j'avais une cassette face A, face B. J'avais ma face A où c'était pour m'endormir, c'était les chansons plutôt douces. Et la face B, c'était les chansons plutôt rigolotes d'Henri Salvador. Ouais. Voilà, donc. Humoristique. Ouais. Voilà, et aussi Mini Petite Souris. Enfin, il y en avait plein comme ça. Mais pourquoi tu t'es lancé en musicologie? Alors, en fait, j'ai un peu hésité. Merci. En fait, je crois que j'avais besoin un peu de, je sais pas, de sentir, enfin, j'avais besoin de me légitimiser quelque part. Je me dis, j'ai envie de faire de la musique, mais finalement, j'ai toujours été assez autodidacte dans la guitare, dans le chant. J'ai pas vraiment, j'ai eu un peu des cours, mais c'était surtout assez au feeling et assez spontané. Donc, je crois que j'avais envie de connaître un peu plus la musique et de m'informer un peu plus sur le sujet, quoi. J'en avais besoin. J'avais l'impression que si tu veux être chanteuse ou si tu veux être artiste, je dois connaître le solfège. Et puis, au-delà du solfège, c'était l'histoire de la musique aussi beaucoup qui m'intéressait. Parce qu'en vrai, je suis pas très bonne au solfège. Je pense que je m'y suis prise un peu trop tard et qu'en plus, pour la chanson, c'était pas forcément une obligation. Mais au moins de connaître les différentes clés, de connaître tout ça, puis même on a fait du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, donc c'est hyper intéressant, ça m'a fait découvrir des œuvres et des artistes que j'aurais pas découvert, je pense, ou alors beaucoup plus tard peut-être, mais du coup ça m'a ouvert beaucoup sur plein de choses et ça c'était hyper intéressant. Et après ça, ben, tu as fait des rencontres, c'est ça qui t'a aussi formé, des rencontres avec plusieurs chanteurs. Mais c'est sûr que lorsque tu vas sur scène, tu rencontres tes semblables. Oui. Donc, ils se tissent une sorte de petite clique. Et c'est comme ça que je t'ai connu, à travers d'autres. Ben ouais. Garance, entre autres, et bon, toutes les autres qui font partie de mes spectacles que je fais à chaque année, ici sur la rue des Abbesses. On monopolise un bar public. Ah. On fait des versions acoustiques de leurs chansons. Pauline Paris aussi, donc. D'accord. Et toi, dans la musicologie, on va y revenir un peu, là, les gens qui t'ont. Qu'est-ce qui t'a marqué en musicologie pour. Qu'est-ce qui t'a forgé pour pouvoir, après ça, te dire là, je veux faire de la musique, là, je veux faire de la chanson. Là, j'ai les racines, j'ai les assises. Ouais. Je veux aller plus loin. Ben, en fait. Est-ce que t'aurais pas eu, tu pourrais être professeur? Je pourrais, après je pense que j'ai pas la pédagogie. Okay, ouais, c'est beaucoup de travail. Ouais, non, je pense que j'ai pas la pédagogie pour. En fait, en musicologie, enfin, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait avec les autres aussi élèves qui étaient avec moi en classe, ils venaient soit du jazz, soit du classique. Et j'étais la seule un peu qui voulait faire de la chanson. Et donc au début, j'ai une sorte de complexe un peu bête. Où je suis là, mais c'est pas sérieux la chanson. Enfin, j'avais un peu l'impression de me dire, bon, on fait quatre accords, on fait une chanson. Voilà, j'avais l'impression d'être beaucoup moins légitime aussi là-dedans. Et puis finalement, c'est aussi dans ces années-là où j'ai commencé à faire quelques concerts avec mes chansons et j'ai vraiment vu qu'il se passait quelque chose et du coup je me suis dit bon, te pose pas de questions. Mais tu croyais selon toi qu'eux faisaient de la musique plus sérieuse et toi tu faisais de la variété comme on peut l'entendre encore aujourd'hui. Complètement, j'avais cette idée-là et j'ai quand même eu la chance d'avoir des... on a quand même une histoire de la chanson et j'avais un prof que j'adore qui s'appelle Philippe Bumklovitch qui lui est plutôt jazz mais qui aussi a ses chansons et chansons à texte et qui du coup aussi peut-être m'a aidé en tout cas à sentir que non, ce n'est pas un art mineur et voilà. Comme Gainsbourg disait à une certaine époque, mais voilà, non, c'était pas un art mineur et que voilà, je pense que ça m'a aussi aidé à me sentir plus, j'ai envie de faire ça et j'ai pas à me sentir moins légitime parce que je fais de la chanson et que c'est en fait c'est autre chose en fait. C'est réussir à faire sonner les mots et la musique ensemble, c'est encore autre chose que... La consonance. Voilà, que juste, entre guillemets, que juste, alors je suis pas du tout en train de dire que c'est moins compliqué ou pas du tout, mais en fait c'est autre chose, voilà. Du jazz c'est autre chose, la musique classique c'est autre chose, et la chanson c'est encore autre chose. Il y a la musique, il y a le texte, il faut faire que les deux aillent ensemble, et donc c'est encore une autre logique, en fait, tout simplement. Et est-ce que c'est les mots qui t'amènent les idées ou les idées qui t'amènent les mots ou la musique qui t'amène les mots? Généralement, j'ai toujours un bout de mélodie et un mot ensemble. Enfin, j'ai une mélodie et une phrase. Alors après, la phrase, ça peut être... on est des éponges, hein, ça peut être n'importe où, ça peut être... j'entends quelqu'un dire quelque chose, je me dis « Ah, c'est vachement bien, un truc à la télé, un truc à la radio, partout, une pub dans le métro, que sais-je ». Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et après, ouais, généralement, ça vient un peu en flash comme ça, où j'ai un bout de texte, une phrase avec une mélodie, et après, je vais broder autour de ça. Donc c'est la musique qui va déferler les mots. Oui, en fait j'écris vraiment en même temps. J'écris et je compose en même temps. J'ai la mélodie, les mots et après je mets mes accords. Quel instrument que tu utilises, la guitare? Ouais, la guitare. Parce que je t'ai vu... Ouais, j'ai fait ça. Ouais, exactement. Ouais, guitare. J'ai commencé à quel âge? J'ai commencé à 16 ans, la guitare. Et guitare classique. Parce que c'était plus simple pour moi. J'ai essayé un peu le violoncelle, ça m'a pas plu parce que je voulais chanter en fait. J'avais envie de chanter tout de suite en fait, je me suis rendu compte après. Donc la guitare c'était parfait, c'était assez intuitif pour moi et c'était pratique. J'avais pas trop de place chez moi donc un piano ça aurait été plus compliqué. Est-ce que tu te sens un peu caché de la guitare? Donc c'est une protection sur scène? Au début j'étais tout seul et je faisais mes concerts avec ma guitare et... Protection, oui et non, parce que en fait, j'ai aussi fait pas mal de théâtre et quelque part, ça me frustrait des fois un peu d'être obligé de rester. En fait, on peut pas trop bouger quand on a de la guitare et le micro, on est et forcément c'était le assez piano statique. Encore. Oui, c'est vrai. Mais Véronique Sanson, elle manipule comme. Oui. Ouais. Mais disons que je me sentais un peu bloquée derrière mon micro. J'avais envie de bouger. Tu faisais ton brassage de toi-même. Ouais. Et du coup, j'étais un peu frustrée par ça. Et donc après, j'ai des musiciens et des fois je sur pas mal de chansons, en fait, j'ai de moins en moins la guitare et ça me va très bien parce qu'en fait, j'aime aller vers les gens, j'aime bouger, j'aime. Et lorsque tu l'utilises, c'est des chansons peut-être plus intimistes. Plus intimistes, ouais. Ouh, là, je me mets la guitare électrique aussi, donc c'est cool. Je me suis juré de bannir pour toujours les contes de fées, les week-ends à Cabourg, les sourires mielleux, les écharpes courtes, les coups de soleil, les Tinder romantiques, l'amour qui s'essaye sur les bancs publics, les bébés bobos qui s'habillent en petits bateaux. Écris, écris, écris, écris, le gris me va si bien. Ni le bleu, ni le rose, non, ne s'accorde à mon teint. J'aime me moquer des chiennes et des lapins, tous ces vertébrés qui couchent avec tes copains, les cœurs en post-it, la passion qui fait pchit. Les planqueurs, c'est saut, boring à notre époque, fais pas ton puceau, arrache-lui la culotte, les amants téflons ne s'attachent pas au prénom. Ni le bleu, ni le rose, non, ne s'accorde à mon teint. Mais toi, qui t'as demandé de mettre du piment boulet en dehors et dedans, de me dire non, de colorer mes joues. Dis comment t'as fait pour que tout étincelle, pour que dans tes yeux je vois le bleu du ciel. Et je me demande, quand j'ai ma main dans la tienne, s'il y a autant de lumière que de gens qui s'aiment, qui s'aiment. Fini, fini, fini, fini, le gris au quotidien. J'ai mis du rose à mes envies, n'en déplaise à certains. Fini, fini, fini, fini, le gris au quotidien. Voici les mots d'une repentie, il ne faut jurer de rien. C'est autre chose, donc j'ai mon petit côté rock. Mais c'est ce que j'allais dire, pourquoi la guitare électrique, c'est quelque chose de plus vivace, de plus... Bah, je crois que j'ai toujours eu très envie de m'y mettre, mais une sorte de pudeur ou de... C'est bête, hein, mais en tant que femme, j'ai l'impression qu'il faut que tout de suite je joue super bien, quoi. Ok. Ah ouais. J'ai l'impression qu'une fille qui arrive avec une guitare électrique, tu peux faire, oh là, alors soit ça va être catastrophique. On s'attend à quelque chose. Ouais, voilà. J'espère qu'elle déchirera. Voilà, ouais. Parce qu'il y a l'impression qu'il n'y a pas, ouais, on peut pas trop faire juste gling-gling avec une guitare électrique, sinon on va se faire allumer, quoi. Ouais. Donc je pense que j'ai eu un peu peur de cet instrument, mais plus ça va, plus il y a de filles qui prennent la guitare électrique. Et en fait, je me rends compte aussi qu'on a une autre manière de jouer la guitare électrique. Exactement. Ce qui est hyper peut-être intéressant. Plus c'est que ça sensuel, plus. Ouais, et puis je pense qu'on est moins, alors ça dépend des filles aussi, mais il y a un peu moins peut-être d'aspect démonstratif, pur et dur peut-être. Je sais pas, je trouve qu'on est plus dans le son, dans la musicalité. Ouais, je trouve. As-tu des gens avec qui est-ce que tu te référais à des guitaristes féminines lorsque tu prenais la guitare comme PJ Harvey ou... C'est une bonne question ça. Parce qu'elle a le style de prendre sa guitare et de jouer. C'est vrai. Non, pas vraiment. J'ai pas vraiment pensé à des femmes ou même à des hommes quand j'ai commencé. Je te dis ça, c'est hyper récent, ça fait un an. Hein. J'ai pas vraiment pensé à. Je me suis pas mis des modèles dans la tête. Mais la manière de tenir de la guitare, de la jouer, la guitare électrique, c'est pas comme une guitare simple. Tellement pas. Comme on dit chez nous, ça garoche. Ça... Donc, tu peux pas l'apprendre comme une petite guitare, comme une guitare... Mais en fait, ce que je me rends compte avec la guitare électrique, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'attitude. Oh oui, c'est ça exactement, c'est le style. En fait, c'est clair, il faut se la péter. Et en fait, il y a un peu un côté comme ça où quand t'es là, tu as la guitare électrique. Tu peux pas un peu t'excuser quand tu joues la guitare électrique. Faut y aller à fond, quoi. Ouais. Même limite, si tu te plantes un peu, c'est pas grave. Non, faut être dans le truc. Exactement, c'est grand. Faire des grands gestes, c'est grand, faire des trucs. C'est voilà. C'est scénique. Exactement, mais c'est ça qui est hyper cool aussi dans la guitare électrique. Et là, depuis un an, tu travailles plus ta guitare électrique. J'essaye, ouais, depuis ça. Est-ce que tu composes pour que ce soit électrique ou acoustique? Alors, pour le moment, je compose encore avec la guitare classique, mais je l'essaye aussi à la guitare électrique pour voir ce que ça donne, si ça m'inspire autre chose. Et c'est vrai qu'en termes de sonorité, ça me permet d'aller un peu ailleurs aussi. En fait, avant, quand je composais la guitare classique, forcément, ça me cadre aussi dans quelque chose de plus chanson aussi, finalement. Traditionnel. Ouais, plus chanson, classique traditionnel, un peu réaliste, tout ça. Et avec la guitare électrique, ça offre un panel qui est autre, qui peut être plus rock ou voilà. Même ne serait-ce qu'avec les effets, avec une réverb, on peut vite explorer d'autres choses. Et du coup, c'est hyper intéressant et c'est hyper stimulant aussi pour la composition. Émilie Simon, qui elle utilise même des instruments, elle invente des instruments. Est-ce que tu as cette approche-là aussi de la musicologie comme laboratoire sonore? Ça, moins. Moins pour le coup. Je vais être plus sur... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le fait de mêler les deux, c'est plutôt le rythme. Je suis assez rythmique et même dans mes textes et dans ma musique et même dans ma manière de jouer la guitare, je suis assez à ma main droite, j'ai un jeu assez rythmique et j'aime bien réussir à ce que le texte, en termes de rythme, justement rebondisse. Je suis assez sensible à ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à faire, alors je mets des guillemets, mais à faire du parler-chanter. Ok. parce que je trouve que c'est hyper intéressant. C'est là-dessus, ça se ressent encore plus. Un peu comme Gainsbourg faisait. Oui, et je trouve que ça donne encore autre chose et j'aime beaucoup ce que ça donne. Il y a un côté brut en fait, comme si vraiment on s'adressait à la personne déjà, je trouve hyper intéressant. Et je trouve qu'il y a moyen de faire sonner encore les consonnes différemment. Alors tu travailles beaucoup plus l'écriture comme si c'était une nouvelle récitée et une musique qui enveloppe tout ça, ou si tu veux que ça soit un amalgame de... J'essaye vraiment que ce soit un amalgame des deux. J'essaye vraiment que... ce qui m'a aidé aussi à faire ça, c'est que j'ai fait les ateliers de Claude Lemel pendant 4 ans. Et pour le coup, il a vraiment cette approche-là de... Il nous encourageait tout le temps quand il nous donnait des thèmes à faire de la musique avec, justement. Ou des fois, il nous donnait comme exercice de... Il prenait une musique très connue, même de la musique classique, et il nous disait, vous écrivez un texte dessus. Et tout ce qui est accent tonique, ce genre de choses, il est hyper rigoureux là-dessus. Et ça m'a vraiment appris à composer et à faire bien sonner aussi les mots sur la musique. Qu'est-ce que tu veux raconter ? La question ? Je me suis rendu compte, c'était pas quelque chose de réfléchi à la base, mais j'ai quand même un thème de prédilection. IE, c'est-à-dire ? J'écris beaucoup sur la femme, sur la féminité. Et tu féministe ? Ouais. Mais ça, en fait, je m'en suis rendu compte. C'était pas un truc où je me suis dit, je suis féministe, donc je vais écrire des chansons sur les femmes. Non, c'est j'écris des chansons sur les femmes, donc je me suis dit... Parce que j'en suis. Ouais. Mais à un moment, je me suis dit, bon, t'écris quand même des chansons beaucoup sur les femmes, en tout cas sur les hommes aussi, mais aussi, du coup, c'est aussi, ça va avec. Ah ouais. À un moment, je me suis dit ça, j'écris quand même beaucoup là-dessus. Je suis en train de lire Simone de Beauvoir, je crois qu'il y a un truc. je crois que je suis féministe. Et ouais, clairement, et c'est un thème qui... Alors ça me fait rire c'est très bien en ce moment, je trouve que c'est vraiment au cœur un peu de l'actualité. Beaucoup de femmes qui se disent de plus en plus féministes, qui le revendiquent. Et autant avant, ça, c'était un peu un gros mot, j'avais l'impression, autant maintenant... C'était lourd à l'époque, féminisme... L'impression que c'était, oui, qu'il y avait... Alors, je trouve encore maintenant, hein, mais bon, maintenant je l'assume, je m'en fiche un peu de ce que peuvent penser les gens si je le dis. Mais je crois que Simone Veil aussi, elle désacralise un peu tout ça. Oui. Simone de Beauvoir, comme tu parlais tout à l'heure. Oui, complètement. Mais j'ai vraiment senti quelque chose... Là, en 5 ans, ça a vraiment passé quelque chose et je vois beaucoup plus de filles qui se disent féministes. Après, je pense qu'il y a autant de féminisme que de femmes. Et que d'hommes d'ailleurs. Enfin, on a chacun notre manière de vivre, de voir le féminisme et de voir. Et je trouve ça bien. Enfin, je dis pas qu'il y a c'est une. Comme un arbre, il y a plusieurs branches. Mais complètement. Et puis je trouve qu'il n'y a pas, faut pas que ça se commence à avoir c'est trop clair. De règles. Je comprends pas trop les personnes qui se disent féministes et qui vont critiquer une femme parce qu'elle fait ci ou parce qu'elle fait ça justement. Parce qu'elle se maquille, parce qu'elle se fait ça, ou alors qu'elle s'épile pas ou machin. Pour moi c'est ça la base. C'est-à-dire qu'une femme, elle fait ce qu'elle veut de son corps et à partir de là, il n'y a pas de discussion. Donc voilà. Mais oui, je me suis rendu compte que j'étais féministe et du coup mes thèmes, c'est vrai que ça explore beaucoup ça. La condition de la femme et aussi j'ai toujours été vachement attirée par la sensualité. Et quand j'étais petite, tous les dessins animés ou les films que j'ai pu voir où il y avait une femme, une actrice qui était extrêmement belle, extrêmement sensuelle, ça m'hypnotisait. Il y avait un côté où je me disais mais waouh. Et au-delà de la beauté, je trouvais qu'il y avait une sorte de magnétisme que je trouvais hyper intéressant et que je trouve que c'est un mystère en fait. Je trouve que c'est un mystère la sensualité et qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi. Pourquoi le développer, on l'a ou on l'a pas? Je pense qu'il y a une base. Après, je pense qu'on peut réussir à trouver quelque chose. Que l'université de la sensualité, est-ce qu'on peut l'apprendre, l'étudier? Bonne question. Moi, j'ai découvert il y a 3 ans les feuillages burlesques. Les feuillages burlesques. Ok, oui. Oui, j'ai rencontré une jeune fille qui venait de Rennes et qui en faisait effectivement, oui. Elle s'appelait Dragon. Julia Dragon, je vois très bien, ouais. Elle a beaucoup développé la scène burlesque parisienne ici. Et là, c'était le coup de foudre en fait. Et ce que je trouve hyper intéressant justement dans les feuillages burlesques, c'est que il y a des filles, en fait, on se rend compte que des fois une fille, elle n'est pas sensuelle parce qu'elle prend un peu ce qu'on lui a dit qui était sensuel, elle prend un peu les codes et en fait ça ne lui va pas. Ouais. Et en fait le but, ce qui est rigolo dans le burlesque, c'est que chacune va essayer de se réapproprier justement sa féminité, et donc elle va être sensuelle, mais elle fait un truc, moi si je le fais ça va pas m'aller, et inversement en fait. Et ça je trouve ça hyper intéressant. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un conformisme, ça peut être autant les grassettes que les... Complètement. Et les hommes aussi. Oui. Et ça aussi, c'est intéressant. La liberté du corps. La liberté du corps, exactement. Et en fait... Tu dois aimer danser. J'adore ça. J'ai fait de la danse petite, de la comédie musicale aussi, j'adore danser. C'est pour ça en fait aussi que je suis arrivée au burlesque. En fait, ça a un peu réuni tout ce que je voulais. Le côté féministe, le côté accepter son corps, le côté sensuel et le côté danse, c'était parfait. Ça a coché toutes les cases. C'était super. Est-ce que tu prépares tes spectacles? Veux-tu préparer un jour un spectacle avec tout ça en même temps? Toute cette... cet univers-là que tu caresses depuis tant d'années? Bah, c'est exactement ce que j'essaie de faire depuis un an. Là, déjà dans mon personnage, moi, de scène, avant, j'avais pas vraiment... Ok, là, c'est un personnage. Avant, j'en avais pas vraiment. Et depuis le burlesque, j'ai pris des codes, justement, de cette discipline. J'ai les paillettes sur ma bouche, je suis beaucoup plus féminine, justement, et sensuelle, même dans ma tenue et tout ça. Le réveil sonne, je me lève sans y penser. Douche vite fait, shampoing pomme, j'allume la télé. Je mélange les infos avec mes biscottes. Est-ce que j'ai bien pris mes clés? Oui, je claque la porte. 9h, j'arrive au taf et salue les collègues. Je m'assois et mes yeux au plafond se perdent. Mais le téléphone me rappelle à l'ordre, boîte mail bondée. Je dessine des flèches sur le calendrier. Je suis juste quelqu'un de bien qui s'ennuie dans son petit quotidien. Alors la nuit je sors, voir si la vie me mord. J'oublie ma rue, j'oublie mon âge. La nuit je flirte avec l'orage. Alors la nuit je rêve, que la vie me trêve. Je vois des bad boys, des prises d'otages. La nuit je flirte avec l'orage. 13h c'est la pause, on partage les potins. S'il vous plaît, une salade sans sauce et un petit verre de vin. La note, ascenseur, réunion dans 10 minutes. Bilan, budget consommateur, ça sent les heures sup. 15h30, café clope et rendez-vous d'affaires. 16h30, café clope. Il faut savoir se faire plaisir. Dossier, contrat, appel. Ma vie est une case dans un tableau Excel. Je suis juste quelqu'un de bien qui s'ennuie dans son petit quotidien. Alors la nuit je sors, voir si la vie me mord. J'oublie ma rue, j'oublie mon âge. La nuit je flirte avec l'orage. Alors la nuit je rêve, que la vie me trêve. Je vois des bad boys, des prises d'otages. La nuit je flirte avec l'orage. 18h30, je remballe et je dévale les escaliers. Dehors c'est l'été, je marche tranquille. Ce soir c'est la nif de Manon. Je croise une petite fille quand j'entends attention. Un bruit sourd, des freins, des cris, mais qu'est-ce qui se passe? Un scooter vient de percuter violemment une espace. Je bouge plus, je suis choquée, y'a une femme qui hurle. Y'a du sang sur ma veste et sur le bitume. J'entends les sirènes, on me demande si ça va. Mais oui c'est bon, j'ai rien moi, le problème c'est le mec en scooter là. Il bouge pas, il bouge plus, il ne bougera plus. Je pleure pour un inconnu. Dans le métro je pense à la mort sur tout le trajet. Je pensais pas un jour la voir. Canapé, le charbon ronde, mais j'ai le problème. Il faut que je téléphone à ma mère et que je lui dise que je l'aime. Et le mec de l'autre soir à qui j'ai pas répondu. Faut que je le rappelle car non, c'était pas juste un plan cul. J'en ai marre de l'inconstant, je veux prendre de vrais risques. Pas seulement quand le soir commence, pas seulement à 2 grammes 10. Sur mes yeux s'effacent les paillettes, même moi. Je veux du bonheur à perpète, alors je me pose à ma fenêtre. Et je regarde la nuit noire envahir la ville. Beaucoup doivent faire la fête. Je pense à Manon, à mes amours d'un soir au temps qui file. J'ai l'impression de les entendre, d'entendre leur voix qui traverse les rues, les murs et les toits, comme pour défier le ciel étoilé. Je les entends chanter. Alors la nuit on sort, voir si la vie nous mord. On oublie nos rues et nos âges. La nuit on flirte avec l'orage. Alors la nuit on rêve. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Avant de commencer ton spectacle. Avant de commencer mon spectacle. Pour décontenancer un peu. J'aime bien décontenancer. Mais est-ce qu'on peut, les gens qui sont, disons, moins ouverts d'esprit et qui peuvent s'attendre à quelque chose de toi et par la suite être déçus, parce que j'allais voir une chanteuse et non, c'est une effeuilleuse, entre guillemets. Bah, après, je ne m'effeuille pas, moi, après, sur scène. Je reste dans mes chansons ça reste mais l'ouverture, ça reste une ouverture. Ça reste une ouverture. Alors, honnêtement, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, je pense qu'il y en a qui ne vont pas comprendre ou qui vont peut-être être un peu choqués. Mais finalement, j'ai quand même assez des bons retours. Et il y a un côté où au début, les gens sont un peu décontenancés. Mais du coup, ça les aide aussi à comprendre, moi, après, quand j'arrive sur scène et ce que je dis et ma façon d'être sur scène. Du coup, ils ont un peu les codes, en fait. Je leur donne un peu des codes de pourquoi je suis comme ça maintenant, en fait. Est-ce que tu connais Julia Pallon? Non? OK. Elle joue beaucoup là-dessus. Donc, dans un univers où elle fait raconter l'histoire de certaines femmes, de plusieurs femmes sur scène. Et c'est très sensuel. Et donc, elle joue aussi avec le côté scénique, le côté flash, ouais. Musical. Mm. Donc, ça me rappelle un peu cet univers-là. Julia Pallon. Ouais. Et elle est rendue à son troisième album et elle a écrit un livre qui s'appelle Français, Française au lit. D'accord. Voilà. Et toi, dans ton travail qui est multiple, autant la danse que tu faisais que la chanson, puis donc, ce qui te plaît, c'est de mêler tout ça, ouais, de raconter tout ça dans un spectacle. Ouais. En fait, plus ça va, moi, enfin, c'est un concert, mais je vois ça comme un show, quoi. J'essaie vraiment de me dire c'est un spectacle. Et les gens, il y a une entrée de scène, il y a une sortie de scène. Enfin, j'essaie vraiment, il y a une tenue de scène, j'essaie vraiment de réfléchir tout ça comme ça, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant. Et ouais, pour moi, c'est un divertissement, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les gens, ils doivent arriver, ils doivent en prendre plein la figure, quoi. Puis oublier aussi les embarras familiaux, complètement. Ouais, moi, c'est ce que j'attends quand je vais voir quelqu'un. Après, peu importe ce qu'il fait, moi, je suis un peu dans le côté un peu plus extravagant, le côté un peu cabaret, tout ça, parce que c'est mon truc, et voilà. Mais j'attends d'être transportée et qu'on me fasse, en effet, que ce soit un espace temps où d'un coup, tout autour n'existe plus, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à Londres? Ah, à Londres. Et non pas à Londres, ça fait du bien un peu, mais nous sommes à Londres, mais à Londres. À Londres, bah, c'était, j'ai passé une année sabbatique et... Volontaire ou... Volontaire, okay. Volontaire. J'avais envie de faire une pause parce que justement j'avais fini la musicologie et je me disais un peu... je sais pas que j'avais peur de me lancer, mais je me disais un peu, bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je savais pas comment. Je savais pas comment. Je savais vraiment pas comment faire. Et du coup, je me suis dit que j'étais un peu nulle en anglais, que c'était un bon truc d'aller aussi... Une belle école, hein, Londres. Oui, et puis je crois que j'avais envie un peu de sortir des jupes de ma mère, des jupes de tout le monde, et j'avais un peu envie de me confronter toute seule à la vie. D'être toute seule, j'avais 20 ans, j'avais... Franchement, quand j'y repense maintenant, je me dis, ouais, j'ai vraiment... T'as bien fait. Ouais, j'ai bien fait, et puis c'était quand même une sacrée expérience humaine, et ouais, je dirais que j'étais toute seule, et ça m'a fait grandir, je pense. Et tes parents avaient peur, sans doute, une petite fille, une fille de 20 ans, seule à Londres. Ah, ils avaient peur, oui. Ouais. Ma mère, elle était pas bien. Ma mère, elle était pas bien. Mais c'était du coup, j'étais vraiment toute seule, je parlais pas bien, j'ai dû me débrouiller. Et c'était une super école. Et j'ai appris... Une année 6 mois. Je suis restée 6 mois et après je suis rentrée. J'ai un peu préparé du coup la suite et j'ai repris... Sans un sou, mais plus riche qu'avant, comme c'est... C'est ça, bah là oui, c'était exactement ça. C'était exactement ça. Ça a été un gros moment de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Et du coup, je me dis, bah, je veux monter sur Paris. Et du coup, j'ai fait un master en me disant, bon, bah, j'aurais quand même... J'aurais le statut étudiant et je pourrais commencer à monter sur Paris, à commencer à faire des scènes et avoir quand même quelque chose. Enfin voilà, pas arriver. J'avais pas envie de travailler en tant que serveuse ou je sais pas quoi, j'avais envie quand même de continuer. Être vraiment dans ton milieu, ouais. Et d'apprendre peut-être à voir travailler les autres. C'est ouais, ça? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer Claude Lemel? Alors, est-ce que je le prononce bien? Claude Lemel. Lemel, ok. Ouais, Lemel. Ouais, c'est. Ouais. Ouais, mais je comprends pas les trucs qui se prononcent pas comme ouais. Ça. Gagner, c'est pas compliqué, c'est gagner. Donc, oui, c'est voilà, pas je suis gagner, d'accord. Ouais. Mais d'accord. Peu importe, c'est pas, on choisit pas notre nom. Comme disait Maxime Le Forestier, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Exactement. Mais en fait, c'est ma tante qui a écouté une interview de Claude Lemel sur France Inter, je crois, ouais. Où il parlait de ses ateliers de chansons. Et il a donné son mail, en fait, dans l'interview. Et du coup, ma tante a sauté sur l'occasion et elle m'a envoyé le mail en disant « Faut absolument que tu le contactes, ce monsieur, il a l'air de faire des choses hyper bien. » Et du coup, je lui ai envoyé un mail, j'étais comme ça. J'ai envoyé un mail avec mes petites chansons, j'étais là. Oh, ouais, qu'est-ce qui va se passer? T'appuies sur envoyer, tu fais. Oh. Ouais. Et j'avais donné mon numéro de téléphone et il m'a appelé genre un jour après. Et ça, je sais qu'il le fait à chacun. Ah oui? Il le fait tout le temps. C'est un mec. Il appelle. Il appelle. Il appelle les artistes et il leur fait un débrief. Mais très bienveillant. Et merci d'avoir envoyé tes chansons. Et voilà ce que j'ai pensé. Là, t'as vraiment, c'est bien. Là, tu vois, par exemple, là, t'as mal placé quelque chose. Ou voilà, il parle et tout. Il fait, bah écoute, là, si tu veux, j'ai de la place qui se libère en. Alors, moi, du coup, là, c'était. En fait, c'était, je l'ai rencontré juste avant de partir à Londres. Donc, je dis, bah moi, je pars pour 6 mois. Il fait, bah écoute, après, quand tu reviens, voilà, t'auras une place dans un des ateliers. Voilà. Et il m'a fait venir monter sur Paris. Donc, il était encore à Neuilly, à la SACEM à ce moment-là. Alors là, c'est. Les présidents, ou en tout cas, ils chapeautaient. C'est ça, donc c'était mon premier. Je suis arrivée à Paris avec ma petite guitare, j'étais là. Oh, là, à Paris. On va raconter un peu, c'est quoi? C'est les droits d'auteur des chansons. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Et on peut dire aussi qu'il a écrit pour Serge Reggiani, pour Joe Dassin. Pour Joe Dassin, pour plein de monde. Oh, il a écrit pour Serge Lama, même. Voilà, là, pour. Ouais, complètement. Voilà. Il a écrit pour énormément de monde. Même Michel Sardou. Et c'est. Ouais, et pour vraiment, ouais. Vraiment beaucoup de gens. Et ce que j'aime beaucoup chez Claude Lemel, c'est qu'il n'a aucun snobisme. Oui. Il peut faire ce qu'on appelle, entre guillemets, voilà, de la chanson à texte, machin, ou alors aller dans un truc beaucoup plus populaire. Et il s'en fiche, en fait. Et dans les deux cas, il va mettre dans le même entrain et avoir la même exigence, que ça soit pour écrire pour... Bah, il a écrit Big Bisou, hein, quand ouais, même. Ouais. Que voilà, que Carlos. Que pour, voilà, pour Carlos, que pour Reggiani, voilà. Et pour lui, c'est la même chose. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que des fois, même dans la chanson, y a du snobisme partout. Ouais. Mais voilà, on a toujours tendance le côté à dire. Élitiste, moi mais quand tu fais ton ménage, quand tu nettoies tes big bisous, c'est quand même pas mal. Hein? Bah voilà, il faut de tout. On les écoute pas pour la même chose et pas au même moment. Et il faut de tout. Enfin voilà. Et du coup, ça, moi, je trouve ça vraiment bien. Et du coup, voilà, je l'ai rencontré, je lui ai fait mes chansons. Et après, j'ai commencé les ateliers avec lui. Et ça, j'ai fait 4 ans d'atelier avec lui. 4 ans. 4 ans. J'ai fait pendant 4 ans. Et au-delà de comment écrire une chanson, parce que je trouve que c'est quelque chose aussi, c'est un peu du don aussi pour moi, enfin entre guillemets, enfin il y a des choses que quelqu'un pourra toujours t'expliquer, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du ressenti, comment bien écrire une chanson. Après il y a des règles, il y a des pièges à ne pas faire, à pas tomber dedans, tout ça, et ça il me les a vraiment bien enseignés. Mais après je pense que c'est une sensibilité qui est propre à chacun et que t'as ou que t'as pas. Mais ces pièges-là, est-ce que tu peux quand même les utiliser ou si tu te plantes en... T'sais, parce que Bray disait on doit désapprendre. C'est vrai. Ah, moi, je suis pas pour... Je suis pas pour le côté scolaire de la chose. Je pourrais faire une faute, en effet, si j'estime que c'est joli. Véronique Sanson en a fait une dans une de ses premières chansons, je crois que c'est Amoureuse. Ah oui. Et son père était quand même un grand homme. Et sa mère était, je crois, professeure de français. Elle voyait l'erreur, mais elle disait à ses parents, si je change les paroles, ça ne sera pas la même chose. Donc, elle était consciente de cette faute de français-là, mais elle l'a quand même... Complètement, mais des fois, il nous donnait des exemples. J'ai oublié les exemples, mais en effet, dans les chansons où les gens faisaient... Volontairement des fautes. Et des fois, elle me disait... Pour la consonance, parce que aussi, finalement, c'était plus un trait d'esprit, en fait, qu'une faute, en fait. Et il nous disait, je sais plus, je me rappelle plus laquelle, mais l'interprète avait reçu des lettres de fans leur disant, vous vous êtes trompé dans cette chanson. Mm-hmm. Parce qu'ils n'avaient pas eu le... Bah, ils prenaient ça au premier degré, en exactement. Fait. Exactement, ouais. Donc, bon, mais après, l'auteur reste maître... De son œuvre, et voilà, et si après lui il se défend, ou qu'il se défend pas d'ailleurs. Mais puis non plus, il n'a pas raconté la chanson avec toutes les erreurs derrière, parce que en fait, ça raconte une histoire, ça raconte aussi un cheminement. Utilises-tu ta vie dans tes compositions? Est-ce que tu relates un peu des expériences? Un peu, mais c'est pas le plus que je fais. Je suis pas très autobiographique en tout cas de manière... Je peux m'inspirer forcément de choses qui me sont arrivées et après les transformer quelque peu pour le texte. Et manipuler. Voilà, les manipuler. Ça, mais c'est plus par rapport à des émotions, plus que j'ai pu ressentir, plutôt que raconter une situation que j'ai vécue. Je vais pas raconter une situation que j'ai vécue. Ça va plutôt être des émotions ou une émotion que j'ai ressentie forte à ce moment-là et je vais essayer d'aller la retrouver dans un texte, d'aller l'utiliser. Lorsque je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais raconter, tu as commencé par le féminisme. Ouais. Un charme de l'horizon. Papa la papa. Je rêve, je marche, je ne laisse aucune trace. Je n'attends pas que le temps passe. Je n'attends pas que tu te lasses. Caroline, me dit le chemin. Il y a peut-être un champ de roses, le vent murmure que plus loin. La langue des gens, c'est la prose, la colline garde peut-être un cœur qui m'offrira une pause. Je cherche entre monts et ciel le pays du magicien d'Oz. Caroline, me dit le chemin. a peut-être un champ de roses. Le vent murmure que plus loin, la langue des gens c'est la prose. La colline garde peut-être un cœur qui m'offrira une pause. Je cherche entre monts et ciel le pays du magicien d'eau. Après le féminisme, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres avis? Je suis assez aussi, j'aime bien la liberté, enfin, ça se rattache du coup un peu forcément, mais la liberté aussi, c'est un thème que j'aime beaucoup et qui m'inspire pas mal. Vivons-nous en liberté ou en liberté surveillée, comme c'est Richard Desjardins? Connais-tu Richard Desjardins? Non, je connais pas Richard Desjardins. Chanteur québécois. C'est un chanteur québécois. Ah, ouais, ouais. Je vais faire ma petite liste après. Piano, ouais, ben tu regarderas, tu m'aimes-tu. C'est hallucinant. D'accord. Ouais, c'est beau. D'accord. Où je t'enverrai. J'aime bien cette chanson-là, je l'envoie à plusieurs personnes. Donc, tu as quand même des convictions que tu veux apporter, que tu veux amener. Dans... Oh, c'est marrant parce que je m'estime pas du tout comme quelqu'un d'engagé. Et puis en plus, je trouve ça dur de faire de la chanson engagée. C'est vraiment... Et on en fait des fois sans savoir. Oui, bah, c'est un peu ça en fait. En fait, je me rends compte que au fur et à mesure, bah oui, je prends position sur des choses, donc forcément, bah, j'ai un avis et que bah, ça se voit et qu'après, ça peut du coup être clivant pour certaines personnes ou pas. Mais oui, plus ça va, plus je me rends compte. Bah, après, c'est normal aussi, je pense que je grandis, je vieillis et c'est bien aussi parce qu'on se forge une personnalité et c'est ça qui arrive quoi. Donc oui, plus ça va, plus je me rends compte que j'ai des convictions et que... Après, j'aime pas trop donner des leçons, ou surtout dans une chanson, j'aime pas trop faire ça. J'aime bien exposer un point de vue où... Je pense que c'est encore mieux quand t'arrives à prendre les gens par une émotion. T'as pas besoin d'aller faire une thèse, antithèse, synthèse. Si t'arrives à les choper avec une émotion, bah t'as tout gagné en fait. En fait, t'as tout gagné, t'as pas besoin de t'expliquer en fait. Et ça c'est fort, et ça c'est ça que je trouve qu'une chanson, c'est encore mieux qu'un long discours, quoi. Lorsque tu prépares un album, est-ce que tu veux avoir un thème? Pour le moment, j'ai pas encore eu l'opportunité de faire ça. Pour le premier EP que j'ai fait, c'était un peu une sorte de melting, de pot pourri de toutes mes chansons que j'avais fait depuis 16 ans, donc depuis l'âge de mes 16 ans. Donc j'ai un peu pris celles que je préférais, je les ai mis dessus, donc il n'y avait pas vraiment de réflexion sur un thème ou quelque chose. Sur le deuxième, qui est sorti en mars, c'était vraiment les nouvelles chansons qui étaient en train d'arriver, mais j'ai pas forcément réfléchi à un thème, c'était forcément. Étant donné que y en avait quand même plusieurs qui étaient un peu sur le thème de la femme, il y a quand même un truc comme ça qui se dessine. Mais j'ai pas vraiment réfléchi à un thème. Par contre, pour le suivant, là, j'y réfléchis vraiment. Alors quand même, tu enchaînes assez rapidement depuis quelques temps. Bah, pas tant que ça. J'ai fait en 2014, octobre 2014 le premier, ouais, et là, mars 2018. Donc j'ai quand même mis du temps. Ouais, mais là, le prochain est quand même... Mais le prochain, là, j'y pense déjà, ouais. Bah ouais, je sais pas. As-tu commencé à écrire? Ouais. As-tu beaucoup de choses que tu places dans un tiroir pour le ressortir par la suite? Ou si tu veux faire du frais? Là, pour le moment, j'en ai pas beaucoup. Là, bon, après, là, c'est le début, donc là, j'en ai écrit plein, j'ai testé des trucs dessus. Je sais pas encore lesquels vont rester dans le tiroir et lesquels vont être sur le prochain. Est-ce que tu les essayes sur scène avant de les indiquer, avant de les indiquer peut-être pas, mais les enregistrer, parce que le disque aujourd'hui est devenu peut-être un peu... Ouais, j'essaye. Pas toutes, mais certaines, je les essaye un peu pour voir, quand même, si je me plante pas, si ça marche, si parce que c'est dans sa chambre, on a l'impression que c'est super bien, et puis des fois, devant face à un public, ça marche pas du tout. Est-ce que ça t'attriste de voir que quelque chose que tu croyais sublime, intéressant, ne fonctionne pas? Est-ce que ça fait mal à l'ego? Oui, ça fait toujours un peu mal à l'ego, ouais. Après, malgré tout, enfin, il y a aussi des chansons je me rends compte qu'il y a des chansons qui ont besoin de plus de temps que d'autres pour être entendu et pour même toi réussir à bien la délivrer en fait. Alors tu l'abandonnes pas? Tu lui dis écoute ma petite, je vais te laisser... Non, clairement je l'abandonne pas, je me dis que il y a un truc et puis aussi des fois c'est bête, mais des fois ça marche vachement bien, puis il y a d'autres fois, il y a d'autres jours où ça marche pas. Bon, plus ça va, moins ça m'arrive, donc je me dis que c'est bien, je commence quand même à savoir mon boulot et à réussir à retrouver les choses pour que ça fonctionne. Mais ça dépend. Puis là, hier, j'ai fait dans un festival qui s'appelle Musique à Sens en Bourgogne, et c'est vrai que c'est une grosse scène. C'était très cool, mais moi, pour le coup, j'ai pas encore l'habitude de jouer sur des grosses scènes. Moi, je viens de la chanson, donc on est plutôt dans des trucs où on sent les gens, on les a là. Et moi, pour le coup, j'ai absolument pas peur des gens, j'adore justement cette proximité avec les gens, j'adore ça. Et je suis un peu perdue quand je suis sur une grosse scène où ils sont loin, parce qu'il y a la scène, il y a le gradin, il y a machin, et puis ils sont là, et puis je suis là. Et du coup, c'est encore autre chose d'aller les chercher avec de la chanson sur ces scènes-là. Donc, faut dire aussi que l'énergie n'est pas la même. Oui, c'est ça. L'énergie n'est pas du tout la même. Exactement. Lorsque tu fais ce genre de spectacle-là, c'est combien de minutes? 35 minutes, 45 minutes? Bah là, c'était 20 minutes, donc c'est hyper court. 20 minutes, OK. Là, c'était court. Alors, c'est 5-6 chansons? Ouais, c'est ça. Okay. 5-6 chansons, en plus, c'était tôt. Enfin, c'est des conditions. Ah oui, c'est au suivant. Tu te dis, allez, on y va, c'est dur. Ouais. Mais en même temps, c'est hyper formateur aussi. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui sont là, qui suivent et tout, bah c'est super. Et surtout tu te fais connaître. Oui, bah voilà, et puis c'est quand même hyper bien pour de jouer sur des scènes comme ça, c'est hyper agréable. Est-ce que tu es une traqueuse? Pas trop. J'ai cette chance. J'ai un bon stress. Je stresse peut-être une heure avant. Et comment ça se voit? C'est de l'excitation. Je suis assez excitée. Okay. Il y a un peu ma dose d'excitation qui monte. L'adrénaline. Ouais, adrénaline. Et après, j'ai toujours... toujours 5 minutes avant de rentrer sur scène, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Ok, oui. J'ai toujours ce moment de me dire, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Pourquoi tu vas être là devant des inconnus qui n'ont rien demandé? Tu pourrais pas être, boulanger et arrêter de dépendre des autres. Enfin, c'est vrai que c'est toujours une remise en question permanente. Tu rejoues ton titre à chaque fois. Il y a toujours ce côté-là où, à part après quand tu es connu et même c'est encore autre chose. On attend au détour. Voilà, il y a toujours ça. Donc c'est vrai que. Et puis bon, ça s'évapore très vite, parce qu'à partir du moment où je commence la chanson, je me dis oui, non mais c'est bon, je sais pourquoi je fais ça. Enfin, c'est incomparable. C'est l'énergie. La sensation sur scène, c'est incomparable. Enfin, et t'es plutôt une fille de scène ou une fille de studio? Ouais, scène. Ouais, très très scène. Je pourrais pas vivre sans la scène, clairement pas. Es-tu du genre à travailler en studio, à peaufiner, à ne pas arrêter de peaufiner, puis à jamais vouloir sortir la chanson, parce que, comme Albin de la Simone me disait, là, à un moment donné, je dois mettre un point final, là, parce que ça fait déjà 6 mois que je rajoute une petite flûte. Pour le moment, j'ai... Tu connais Albin de la Simone? Oui, je connais Albin de la Simone. En fait, moi, je travaille avec deux arrangeurs, enfin, sur le EP qui vient de sortir, je travaille avec deux arrangeurs, donc j'arrive avec mes chansons, guitare-voix et quelques idées, mais après, je leur laisse quand même. Et il y a un moment où on peut pas... Je peux pas être trop embêtante non plus et leur dire bon alors là j'aimerais que tu rajoutes ça, puis là bon, quelque part donc ça me force à être assez efficace aussi en fait. Après là je commence à me mettre à la MAO et je commence un peu à essayer de faire mes arrangements moi-même, donc là je pense que je vais tomber dans ce travers certainement où je vais avoir à quel moment arrêter, et puis il y a tellement de directions possibles et d'envie de tester plein de choses que bon. Est-ce que tu crois que la formation de musicologie va t'aider? Je pense que ça peut m'aider, ouais. Et en même temps, te nuire parce que tu sauras jamais à quel moment. En fait, ce que j'ai surtout envie de faire, là, c'est plutôt au-delà de... C'est une recherche de son, plutôt. Okay. Savoir ce que je veux comme son, ce que j'aime comme son, ce que j'aime pas aussi. Et là, ton troisième album, tu travailles sur le son. Là. Ouais, je veux vraiment travailler sur le son, je veux vraiment avoir un truc assez cohérent. En fait, j'aime bien les artistes qui sur un album, font un truc très tranché en disant « bah sur cet album, ça sera comme ça ». Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est hyper cohérent. Et en plus, je trouve parce que moi, ça sera mon premier album. Ouais. Vrai. Voilà, moi j'ai que des EP pour le moment, donc là ça fait un premier album. Et je trouve que c'est aussi assez intelligent parce que finalement quand les autres ne te connaissent pas, au moins voilà, ils ont un truc hyper cohérent, hyper identifiable et je trouve ça intéressant. Donc là j'essaye vraiment de me dire bon, qu'est-ce que je veux, sur quelle direction je veux partir. Et là tu travailles en un mot sur le concept. Ouais. Comme là, à tête de chou, un concept. Exactement. Avec une histoire. Est-ce que chaque chanson va raconter la même histoire vue par des angles différents ou c'est le cheminement d'une chanson qui va aller plus loin vers l'autre chanson? Pour le moment, comme je le disais, j'ai écrit quelques chansons. J'essaye aussi, même au niveau des titres, que les titres soient assez bien réfléchis et assez courts pour que quand on lise tout l'album avec tous les titres, que déjà on voit un personnage. Après, en termes encore d'enchaînement et de lien, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Je ne sais pas encore quel va être... les choses, je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais le drame, le drame, c'est à quel moment placer les chansons. Alors, tu sais. Bah, je vais me faire aider aussi, je vais avoir... oui, je pense, ouais. Déjà l'arrangeur avec qui je travaille. Mais les amis, non? Est-ce que tu vas faire écouter à des amis pour savoir... Je vais faire écouter, bon, à ma mère, c'est sûr. Ok, ouais, ok. Ma mère et à ma meilleure amie, je pense. Il est 2h du matin. On est samedi soir, le bar est plein quand je croise ton regard. Mes potes dansent et oublient les soucis de la veille. Sur ma bouche, y'a du rouge et des cocktails. T'es mignon, mais t'oses pas prendre les devants. Laisse-moi retirer tes peurs avec les dents. Je suis d'humeur joueuse, alors cap ou pas cap. Oups, j'ai dû perdre ma timidité dans mon sac. Sans anesthésie et sans promesse, c'est comme une urgence avant que la nuit nous laisse. Sans anesthésie et sans promesse, embrasse-moi, maman fera le reste. La musique s'intensifie, tu dois te pencher dans mon cou pour pouvoir me parler. Ton jean te colle à la peau et c'est prometteur. Tu ressembles à une savoureuse erreur. Tu fais la conversation et c'est touchant. Un homme qui croit encore au prince charmant. Mais ce soir j'ai pas envie que tu m'appelles madame. Je vais te montrer d'autres façons de respecter une femme. Sans anesthésie et sans promesse, c'est comme une urgence avant que la nuit nous laisse. Sans anesthésie et sans promesse, embrasse-moi, maman fera le reste. Laisse tomber le mal, laisse.